Donc je vais vous parler de la prise en charge de la sexualité en cancérologie et d'une pathologie bien précise là encore, et je vais m'axer plus sur la pluridisciplinarité. Alors on lui donne 36 millions de noms actuellement, alors bon, c'est le travail entre alliant différentes disciplines, point. Après les différences entre multi, inter, etc., c'est pas grave, l'important c'est de le faire. Donc je vais vous parler de la naissance du projet. C'est un projet qui a commencé en 2006, suite à ma thèse, donc qui concernait les femmes atteintes d'un cancer gynécologique pelvien, c'est-à-dire cancer de l'utérus, de l'ovaire, de l'entremètre, du col de l'utérus notamment, sur lesquels je m'étais penchée dans ma thèse à propos d'un traitement très particulier qui s'appelle la curithérapie gynécologique, et en fait qui est une curithérapie endocavitaire avec l'insertion d'un dispositif radioactif dans le vagin de la femme. Voilà. Je parle fort, il y a un truc au fond qui fait du bruit, c'est pas que vous embêtez. Exprès. Donc, en 2006, suite à ma thèse, il y a eu à Bordeaux ce qu'on appelle le groupe Susan Sontag, qui a essayé de fédérer les personnes qui travaillent sur le cancer en sciences humaines et sociales. Et là, j'ai rencontré une psychologue qui voulait aussi travailler sur la sexualité. Et on a commencé à discuter ensemble et à élaborer ce projet. C'est Maïder Mélin, qui est du CHU de Bordeaux. Et puis on a rencontré de bons échos auprès des médecins avec lesquels moi j'avais travaillé d'un côté au CLCC de Bordeaux et elle au CHU. On s'est mis à bâtir ce projet, à se rencontrer pour un même objectif, on va dire. On a trouvé donc une concertation à plusieurs voix. On a vraiment eu de longues discussions sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait apporter à ces femmes, en repartant notamment de ma thèse et de leur terrain à eux, de leur expérience de terrain. Et donc, on voulait étudier donc la prise en charge de ces femmes pour élaborer des moyens d'améliorer, toujours notre optique recherche-action à ces pratiques, d'essayer de faire quelque chose parce qu'on pensait que la prise en charge, elle n'était pas adéquate. Donc, notre population, alors F1 et F2, ce sont les deux études, c'est-à-dire que la première a commencé en 2008 avec un financement incarne. Donc, vous voyez, ça nous a pris du temps pour bâtir le projet et pour avoir le financement et avoir un projet qui nous corresponde et fasse dialoguer vraiment toutes les disciplines. Donc, on a inclus 31 femmes dans le projet FECAPS 1, qui a eu donc un financement INCA 2008, et le projet FECAPS 2, qui va bientôt se terminer en 2011, qui est aussi un financement INCA. Alors, la différence entre les deux projets, une des différences majeures, c'est que bon, on a appris des choses de FECAPS 1, donc on a fait évoluer dans FECAPS 2. On a essayé au niveau conceptuel, je vais vous donner quelques éléments plus précis. Donc, dans FECAPS 1, on voyait des patientes qui avaient un cancer de l'ovaire de l'utérus, col de l'utérus. Et dans FECAPS 2, donc, qu'on peut appeler, nommer des organes sexuels profonds, et les autres sont plus externes, en fait. D'accord ? Donc, vulve et vagin, donc deux pathologies très rares qu'on a ajoutées à la population initiale. Donc, cette étude, ce projet, a été toujours sur trois centres, enfin, toujours. Pour FECAPS 1 et FECAPS 2, il comprenait deux centres, donc le CLCC de Bordeaux et le CHU de Bordeaux, ce qui nous permettait de voir les différentes populations sur toute l'Aquitaine. Alors, Aquitaine, c'est un petit mot, puisque au final, les patientes viennent de beaucoup plus loin, elles sortent de l'Aquitaine. On a des patientes qui viennent de Charente, de Charente-Maritime, même, donc on a vraiment un très très grand rayonnement. Et on s'est adjoint aussi le CLCC de Toulouse, puisqu'on avait aussi des patientes qui venaient de Toulouse. Donc on n'a pas pu avoir le CHU pour un malheureux, on va dire, le CHU de Toulouse pour un malheureux problème, on pourrait dire, réglementaire, en fait, puisqu'on n'a pas eu leurs autorisations à temps pour déposer nos documents et faire nos démarches réglementaires. Voilà. Donc, C'est une étude qui a été, par contre, on a gardé la même méthodologie, c'est-à-dire qu'on voit les patientes à 3 temps de leur parcours de soins, donc au diagnostic, 3 mois après T1, un peu comme vous, comme Corsac, c'était 2 fois, et 3 mois après la fin des traitements, sachant que les patientes ont un parcours qui dure environ une moyenne de 18 mois. Voilà. Donc des études longues de 2 ans pour F1, et on s'était aperçu que c'était un peu court, c'est pour ça que F2, on avait demandé 3 ans. Donc, une approche que nous on appelle combinée, c'est-à-dire que les données qu'on obtient en anthropologie, on les analyse aussi avec le psychologue et on fait des regards croisés sur les données des uns et des autres. Donc, la psychologue fonctionne par entretien auprès des patientes à l'hôpital, réalisé à l'hôpital. Dans FECAPS 1, elle faisait passer le TAT, le Thematic Perception Test. FECAPS 1 faisait partie de la validation de ce test en français, en fait, la validation française de ce test. Test qu'on n'a pas gardé pour FECAPS 2, puisqu'on s'est aperçu. Alors, est-ce que c'était seulement la traduction ou est-ce que c'était vraiment le test? Il ne convenait pas aux patientes et il n'apportait rien au final à l'étude. De même que le SAQ, donc le Sexual Activity Questionnaire, donc, qui nous permettait en principe de mesurer l'activité sexuelle des patientes. Mais au final, les patientes face à ce questionnaire étaient très déstabilisées par les questions. Ça ne leur convenait pas. Alors que l'on voit que ce genre de questionnaire convient très bien à des hommes. C'est-à-dire, et ça rejoint les représentations dont on parlait tout à l'heure, la fréquence, la performance, etc. Ce qui ne convient pas à une femme pour les raisons qu'a expliqué tout à l'heure mon collègue. Alors, dans FECAPS 2, par contre, nous avons introduit le TROMAC, c'est-à-dire que dans toute notre problématique, je ne vais pas vous relater là parce que ce n'est pas le sujet, on fait l'hypothèse, en fait, qu'il y a un réel traumatisme à l'annonce du cancer et que si traumatisme il y a, ça demande une prise en charge très spécifique de ce qu'on appelle le traumatisme en psychologie. Donc, le TROMAC est un test qui permet d'appréhender ce traumatisme, sachant que les anthropologues font aussi la passation du traumac. Ce n'est pas noté ici, mais on s'est un petit peu formé avec nos amis psychologues pour avoir une population plus grande et avoir un test du coup qui soit utilisable, entre guillemets, valide au niveau de la population. Donc l'approche anthropologique, elle se base sur une observation des consultations qui a duré 4 mois entiers, c'est-à-dire en suivant vraiment les médecins, tous les professionnels de soins, soit on choisissait un médecin, on le suivait partout dans son parcours, on s'arrêtait à la rigueur pour le chirurgien au bloc opératoire, sauf quand il nous permettait d'y entrer, bref. On suivait absolument tout, et la même chose pour les infirmières, les aides-soignantes, on essayait d'être un peu partout, avec à la fin de cette observation, un rapport d'observation que l'on partageait avec les autres, donc notamment la psychologue, pour après construire notre grille d'entretien, en fait, grille d'entretien, qui a évolué évidemment de FECAPS 1 à FECAPS 2 puisque les problématiques ont aussi évolué et la prise en charge des patientes a évolué entre le début de 2008 et 2012 bien sûr. Donc on a cette grille en fait un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que on a une approche qui est que ce soit la psychologue qui est une psychologue clinique et nous les anthropologues, on a plus c'est plus un soutien en fait cette grille, on l'utilise pratiquement pas, sauf quand on a quelqu'un un peu qui a du mal à parler par exemple, ou alors que nous-mêmes on voudrait aborder quelque chose et dont on se rappelle plus, on regarde la grille, mais sinon on ne l'utilise absolument pas. Que vous dire d'autre? Alors, nos amis épidémiologistes, eux, on a construit avec eux, mais vraiment avec eux, parce qu'au départ sur FECAPS 1, on été un peu tributaire du CHU et de notre méconnaissance en épidémio. Donc on a suivi les épidémio qui nous ont dit oui, il faut faire un cahier d'observation. Alors dans ce cahier d'observation, on met toutes les données de la pathologie. On a dit d'accord, donc notre attaché de recherche clinique a pris toutes ces données et nous à la fin on s'est aperçu que ça ne correspondait pas du tout à notre problématique. On n'allait rien en faire de ces données et qu'en plus on n'avait que 30 patientes dans FECAPS 1, ça n'aurait pas donné quoi que ce soit au niveau statistique. Donc on a revu ça avec les épidémios et là on a fait deux choses. On a fait un cahier d'observation allégé avec vraiment les données qui nous intéressaient, qui étaient par exemple des données sociales, avec est-ce que la personne est mariée, pas mariée, nombre d'enfants, nombre de fausses couches, etc. Et certains éléments très précis par rapport à la maladie dont nous on avait besoin pour notre problématique, parce que ce dont on s'est aperçu dans FECAPS 1 par rapport à notre entretien, c'est qu'il y avait une différence entre ce qu'il y avait dans le dossier médical et ce que nous racontait la patiente. Donc ça pour nous c'était très important de le conserver dans FECAPS 2 sur certains éléments qui étaient en lien avec notre problématique. Et puis aussi parallèlement à ça, on a fait ce que nous on a appelé un cahier SHS. C'est-à-dire qu'on a construit aux trois temps un cahier qui reprend exactement des données que la tâche de recherche clinique peut trouver, mais que et d'autres que nous on remplit. C'est, alors par exemple, par rapport à ce que nous a dit la patiente dans l'entretien, par rapport à sa sexualité, est-ce qu'il y a eu arrêt de la sexualité, pourquoi, est-ce qu'il y a eu reprise au T2, etc., qui était pour nous primordial par rapport à notre recherche sur la sexualité. Et chose que l'on compare aussi avec ce qui est dit dans le dossier médical de la patiente. Et vous verrez pourquoi. Donc, qu'est-ce qui se passe entre la sexualité, j'ai mis réelle entre guillemets, puisque c'est la sexualité qui nous est rapportée par les patientes, et la prise en charge de la sexualité. Donc la sexualité dans les consultations médicales, ce qu'on voit, c'est qu'on s'attend, évidemment, comme on part d'un cancer gynécologique pelvien, on s'attend à avoir des médecins qui vont parler de la sexualité. Et puis, au final, on a un parcours qui est quand même très cloisonné à l'hôpital une fois le diagnostic posé. Donc, on a des patientes qui vont, comme on l'a dit un peu tout à l'heure par rapport au médecin généraliste, c'est-à-dire qu'on a des patientes qui vont vraiment voir que le spécialiste. Et elles ne vont pas revenir vers leur gynécologue, très peu vers leur médecin généraliste, et ne vont pratiquement pas leur parler. Donc le rôle du gynécologue à ce moment-là est en parallèle du médecin généraliste selon ce que la patiente, selon le suivi gynécologique de la patiente, selon avec qui elle le fait, pardon. Alors, contrairement à ce que disait notre collègue tout à l'heure, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que le rôle du gynécologue et du médecin généraliste va dépendre de la place qu'il a eue dans le diagnostic. C'est-à-dire qu'on va avoir des patientes qui, si le gynécologue a bien détecté la maladie et assez tôt selon ce qu'elle en pense, si le médecin généraliste a été la diriger tout de suite vers ce qu'elle pense être la bonne personne et si elle n'a pas perdu de temps dans son diagnostic, à ce moment-là, eh bien, le gynécologue, elle ira le voir à nouveau alors qu'elle est suivie dans le centre spécialisé, elle va continuer son suivi, ou elle verra de plus en plus son médecin généraliste. Voilà. Et par contre, de même que vous tout à l'heure, ils sont là pour la surveillance, mais là encore, ça dépend s'ils ont été performants, selon les dires de la patiente, par rapport au diagnostic. Sachant qu'en gynécologie, outre pour les patientes ménopausées, on va dire, qui perdent du sang, et donc ça les alerte, puisqu'elles n'en perdaient plus avant, le diagnostic est quand même assez long. Parfois, si ça n'a pas été par un frottis, mais s'il y a eu des douleurs, etc., on peut avoir un diagnostic qui peut prendre 9 mois, donc ça peut être assez débordant, notamment pour le cancer de l'ovaire, qui est le plus, on va dire, le plus féroce, entre guillemets. Voilà. Donc, la sexualité donc, dans les consultations médicales va être en lien direct avec les traitements et leurs conséquences. Donc du côté des patientes, tout du moins c'est ce à quoi on s'attendrait. Du côté des patientes, ce qu'elles vont nous dire, c'est que la sexualité, elles vont le considérer au final comme secondaire par rapport à la maladie. Et ça, on le voit dans toutes les pathologies, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu un diagnostic de cancer, c'est ce que nous apprennent nos amis psychologues notamment, c'est qu'il y a eu une sidération et ça va impacter tout les autres espaces de la vie. Donc le cancer c'est le côté performateur dont parle Pinel, ça va arrêter tout, et notamment la sexualité qui va passer au second plan pour les patientes. Donc après, bon là je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais ça revient petit à petit ou ça ne revient pas, selon un peu comme notre collègue l'a dit. Donc ce qu'elles nous disent aussi, c'est qu'il y a quand même une certaine pudeur par rapport à la relation soignant-soigné. Et du coup, elles n'osent pas l'aborder d'elles-mêmes et elles laissent le soin aux médecins d'en parler. Elles vont en parler aux chercheurs, elles vont en parler à l'infirmière, elles vont en parler aux aides-soignantes, pardon. Elles vont même parfois en parler à la personne qui passe le balai, voyez. Mais le médecin, non. Là, c'est pas possible. Donc, il y a la sexualité, on dirait que pour elles, c'est ce qu'elles disent, c'est un sujet tabou quand même. Ça va aussi dépendre du genre du médecin. Alors, très basique, si c'est un homme ou si c'est une femme. Et elles en parleront plus facilement si c'est une femme. Mais bon, en même temps, on verra que homme ou femme, au final, ça change pas grand-chose par rapport aux informations. Et puis ça va dépendre de la spécialité du médecin, c'est-à-dire que, alors évidemment les spécialistes dans le parcours interviennent pas au même moment. On a le chirurgien, souvent ensuite l'oncologue, pour les pathologies dont je parle bien sûr, on a souvent un parcours qui est chirurgie, oncologie, onco-radiothérapie, et puis parfois curithérapie à la fin, enfin tout dépend, mais ça arrive assez souvent comme ça. Parfois il n'y a même que chirurgie. Donc selon la spécialité du médecin, elles disent qu'il a un vocabulaire technique quand il parle de sexualité, quand il en parle, ou quand elles pensent qu'il en parle au final, mais elles ne comprennent pas. Donc c'est ce qu'elles nous renvoient. Les informations, il n'y a pas de réponse à leurs questions, c'est-à-dire notamment des questions sur la première question qui est l'impact du traitement sur ma sexualité. Quand elles la posent, il n'y a pas de réponse. Alors du côté des médecins, qu'est-ce qu'on voit? On a des médecins qui aussi se réfèrent aux psychologues et disent « Ah non, mais les patients, ils sont dans une sidération, la sexualité, c'est pas leurs affaires, c'est secondaire. » Et par contre, ils voient la sexualité comme quelque chose de technique. Alors pourquoi est-ce qu'on peut... comment ça peut s'expliquer ce côté technique? C'est que, en fait, la pénétration notamment va être, entre guillemets, préconisée pour permettre un retour à l'élasticité du vagin après les opérations, par exemple. Donc, parfois, on dit à la patiente de reprendre la sexualité. Donc, elle est exprimée comme quelque chose de technique. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a quand même un déni de la sexualité féminine auprès des praticiens, c'est-à-dire qu'ils disent que la sexualité, pour la femme, c'est secondaire par rapport à l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a souvent ça. Donc, la sexualité, on n'en parle pas. On a aussi des médecins, qu'ils soient hommes ou femmes, qui pensent qu'une femme de 70 ans n'a plus de sexualité. Donc, par contre, l'homme de 70 ans qui se remarie, lui, il a une sexualité. Mais la femme de 70 ans qui se remet en couple avec quelqu'un, elle n'a pas de sexualité, c'est pas possible. Donc, on ne lui parle pas de sexualité. Il y a aussi une espèce de jeu de domination dans la relation soignant-soignée. Donc, a bien été vu, notamment par Delvecchio, etc., en cancérologie, sur la façon dont on va conduire la consultation, de telle sorte à ce que la patiente, au final, ne parle pas de sexualité, même si elle voudrait en parler. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a, pour d'autres pathologies et d'autres problèmes aussi, c'est une catégorisation des patients. On sait bien, il y a des profils de patients à l'œuvre, on en a vu quelques-uns aujourd'hui. Et donc, en fonction de ces profils patients, on sait bien, pour reprendre Fin Zhang aussi, que selon la catégorie sociale du patient, on ne donne pas le même degré d'information ni on ne délivre pas les informations de la même façon. Et bien là, c'est la même chose au niveau de la sexualité. C'est-à-dire que les médecins pensent que telle ou telle patiente, comme je vous disais, 70 ans, elle n'a pas de sexualité, ben c'est la même chose. Donc on a des informations hétérogènes, pas les mêmes. Parfois, on a des patientes qui sont de catégorie aisée, qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas besoin, elles nous le disent d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il m'en a parlé, j'en avais pas besoin, moi je c'était pas mon problème, en plus si ça tombe sur une femme célibataire, qu'on lui déballe tout sur sa sexualité, alors que pour elle c'est pas le moment, s'il y a aussi des moments, et parfois ben, ça, voilà, il y a un problème de communication, et médecins et patientes n'arrivent pas à discuter au niveau de la sexualité. Et malgré que les informations existent, il n'y a aucune information papier de délivrer aux patientes. Et quel que soit le moment de la trajectoire. Mais on a quand même des médecins qui nous disent « je les informe ». Alors on se dit, nous ayant vu la consultation, on dit « je les informe sur la sexualité ». Oui, mais c'était le vocabulaire technique, ou c'était pas ce qu'elle voulait entendre, ou ce que tu appelles information sur la sexualité n'est pas pour elle une information. Donc, quelle sexualité pour les femmes avec un cancer gynécologique ? Alors, comme je le disais, elle est absente ou présente, mais elle est différente selon les temps de la maladie. On en a beaucoup parlé de cette temporalité. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a parfois une reprise de la sexualité qui est anticipée. C'est-à-dire que, par exemple, après une chirurgie, on doit au moins attendre un mois avant de reprendre la sexualité. Cette information-là, elle n'est pas toujours donnée par les chirurgiens. Ce qu'on voit, c'est qu'on a des chirurgiens qui se disent bah, « c'est du bon sens ». Elles vont pas le faire puisque c'est du bon sens, elles vont avoir mal, donc elles vont pas reprendre une sexualité. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a aussi le conjoint derrière, il y a aussi une envie de reprendre, entre guillemets, on en a parlé ce matin, de la vie normale. Ça vaut aussi pour je dirais tous les patients en cancérologie, on leur dit n'oubliez pas de reprendre une vie normale, vous pouvez reprendre vos activités normales. Ben non, c'est la même chose pour la sexualité, c'est-à-dire qu'il y en a qui se disent ah ben ça y est, je peux reprendre. Et ben non. Donc, alors, le problème par rapport, le problème médical que cela pose, c'est la cicatrice vaginale qui peut se réouvrir, c'est donc une agression des muqueuses, enfin, etc., qui vont au final rendre la sexualité plus difficile qu'auparavant. Donc, on a aussi des reprises forcées de la sexualité avec pénétration. On a même des patientes qui nous disent que... pas forcément au moment de la chirurgie, mais plus tard, c'est-à-dire des patientes qui ne sont pas encore prêtes, mais qui ont un conjoint qui, lui, est en demande. Et donc, on a des patientes qui vont, qui nous disent, bah, moi, j'éteins la lumière, je ne veux pas que mon mari il voit ma grimace quand on a des rapports, parce que ça me fait mal. En fait, elle n'est pas prête, elle ne veut pas lui dire, et c'est ce qu'elle nous dit. Je ne peux pas lui dire, mais il faut bien que je le fasse. Alors, on parlait tout à l'heure de la sexualité, des représentations de la sexualité qui ont évolué. Au final, nous, on a beaucoup de patientes, même des jeunes, qui nous disent avoir un devoir conjugal et d'être encore dans « je dois avoir des relations sexuelles pour garder mon mari ». Donc, au final, on a quand même ces reprises de sexualité forcée. Donc, on va dire « consentie », entre guillemets, juste, « obligée », je ne sais pas comment le formuler mieux. Donc on a un arrêt momentané ou définitif aussi parfois, avec donc, on imagine bien, ça n'était pas mon propos, mais on a publié sur ça, vous verrez tout à l'heure. Donc avec des angoisses de pénétration pour les patientes suite au traitement, suite à la chirurgie notamment, des anxiétés qui sont liées au vide pelvien, il faut beaucoup de... Toutes les femmes que l'on a vues, quel que soit leur milieu social, j'insiste sur ça, leur niveau d'éducation, ne savent plus. Il faut savoir que lorsque, je crois que c'est en troisième, que l'on voit l'appareil génital féminin et on le reprend en terminale, mais après, plus rien. Et donc, pour discuter autour de moi et pour voir ce qui se passe chez les patientes, et bien, la plupart des patientes ne se rappellent plus comment c'est fait à l'intérieur. Et c'est une grande angoisse pour elles de se dire... Bon alors, on m'a enlevé un bout, mais finalement, c'est quel bout ? L'utérus, il servait à quoi ? Et tout ça, elles n'ont aucune réponse sur ça, et ce sont aussi des questions qu'elles n'osent pas formuler. Donc, il y a quelques chirurgiens, et je les remercie beaucoup, qui font des petits dessins. Et ça sert beaucoup. Et il y a certains chirurgiens qui donnent le petit dessin à la patiente. Et donc les petits dessins, elles sont très contentes, elles s'appuient dessus. Même si elles ne le comprennent pas toujours, c'est un soutien pour elles. Donc après, crainte de la cicatrisation vaginale, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors les attentes des femmes, alors on n'a pas tout à fait fini, on a quand même un background assez important. Donc leurs attentes, elles sont quand même autour de celles qu'on, nous, on a pu extraire, on va dire, de leur expérience, hein. C'est qu'elles sont quand même autour des explications par rapport aux modifications internes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va impliquer. Est-ce que si on m'enlève l'utérus, est-ce que j'aurai encore une lubrification? Il y a des personnes à qui on a enlevé les ovaires qui ne comprennent pas pourquoi elles n'ont plus de menstruation. Donc il y a des liens qu'elles n'ont pas en fait et qui seraient primordiales à rappeler. Donc elles ont besoin aussi d'informations pratiques, je disais, sur quand est-ce qu'on reprend la sexualité, est-ce que j'ai le droit à la pénétration, est-ce que j'ai le droit juste à des attouchements, est-ce que, voilà, plein de choses, voilà. Est-ce que j'ai le droit d'être touchée, comment est-ce que j'ai le droit d'être touchée. Et puis elles voudraient une relation soignant-soignée sans crainte pour tout aborder, n'est-ce pas un vœu pieux, avec du temps pour parler. Sachant que le temps pour parler, une consultation de chirurgie, c'est en moyenne 15 minutes. Avec de la chance, c'est 20, voire 30, pour une première consultation. Mais après, ça dépend aussi de l'état émotionnel de la patiente. C'est-à-dire que selon l'état émotionnel de la patiente, ou aussi selon sa catégorie sociale, etc., la consultation sera plus ou moins longue. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la patiente sera plus informée ou qu'elle aura plus la possibilité de parler. Alors, pour conclure, on va passer à la pluridisciplinarité, donc notre approche par rapport à la prise en charge. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes nos données? Donc l'étude FECAPS-2 se finit en octobre de cette année. Après FECAPS-1, on était arrivé à des recommandations. Certaines de ces recommandations sont toujours valides, même si la prise en charge a plus ou moins évolué, on va dire. Mais les recommandations que l'on fait dans FECAPS-2, elles sont vraiment en concertation plus que dans FECAPS-1, on va dire. C'est qu'on a vraiment un groupe là, avec les infirmières du service, le chirurgien, oncologue, à tous essayer de voir qu'est-ce qui, en pratique, peut être fait. Parce qu'il y a effectivement, comme les vœux pieux des patientes, il y a nous aussi des choses que l'on voit, mais qu'au final, on ne pourrait pas mettre en pratique parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, ce sur quoi les chercheurs, nous, on peut aider, c'est quand même à savoir quand et comment communiquer autour de la sexualité. Donc, on veut... On aimerait aboutir à quand même une prise de conscience des temps favorables à l'émergence de la parole sur la sexualité, en lien par rapport à ce qu'on trouve sur le traumatisme et l'impact des traitements sur la sexualité. Et puis on voudrait aussi aboutir avec eux, quand je dis on voudrait, c'est bien sûr nous voudrions tous ensemble, arriver à une systématisation du discours médical, que ce soit CLCC, CHU, tout acteur de prise en charge. Et donc pour ça, ça veut dire aussi avoir un vocabulaire moins technique, savoir comment parler de la sexualité, comment communiquer et s'entendre sur les fiches informatives à donner. Donc quelle prise en charge de la sexualité? Mais on est en train d'essayer de construire des outils bien spécifiques. On s'est posé la question d'une formation en interne. Et là, c'est posé la question du rôle des chercheurs dans cette formation, sachant que on a plus ou moins acquis une légitimité par rapport à nos études antérieures et qu'on a aussi, surtout, ce qui est important, la confiance des équipes, et que ça, c'est un bon socle en fait, pour former correctement aussi les gens à parler de la sexualité, surtout qu'on connaît les lieux, on connaît les gens, on connaît leurs histoires, donc c'est plus facile de rebondir. Alors, notre problème, c'est la résistance institutionnelle. Alors, les institutions sont tout à fait d'accord. Le seul problème, c'est qu'on est obligé de travailler à moyens constants, puisque les budgets sont, pour tout le monde, que ce soit dans la recherche ou les hôpitaux, en baisse. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la confiance. C'est qu'il y a une nécessité donc d'avoir une bonne dynamique d'équipe par rapport au sujet pour pouvoir implanter des choses. Et puis, il y a cette demande aussi d'augmentation de la formation concernant la sexualité, sachant qu'il existe des outils, mais est-ce qu'ils peuvent s'adapter au contexte que nous, on a observé, ça c'est plus dur. Donc notre ouverture, c'est vraiment vers une nouvelle définition de rôle des acteurs, justement, médicaux et paramédicaux. C'est-à-dire, on essaie de voir qui pourrait prendre quelle place au niveau de cette information sur la sexualité. Donc je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir effectivement le temps de vous en passer.